Quelle nappe est-ce qu'on met ? La blanche, c'est la plus jolie. Celle-ci ? Non, non, non. Celle qui est dans le placard du bas. Quel verre est-ce que tu préfères ? Ceux qui sont dans le buffet, sur l'étagère du haut. Je prends les assiettes qui sont au-dessous ? Oui. Celles qui ont un motif bleu.